Les larmes de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Les larmes sont au cœur une douce rosée. Chaque larme qui tombe est un peu de douleur. Chacune emporte en elle un fragment de pensée. Quand on a bien pleuré, l'on sent moins son malheur. Oh, laissez-la couler, cette source féconde. Heureux si vous pouvez ne la voir pas tarir. Vous qui n'avez plus rien qui vous sourie au monde, ô mes amis, pleurez pour moins souffrir. Fin du poème, lu par Ezoie en Belgique en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.